En Corée, la Direction de la protection du patrimoine national a inscrit nouvellement cette année cet objet sur la liste des vestiges historiques. Lieu de production du sel aux environs du quartier ouvrier du chef-lieu de Won de l'arrondissement d'Onchon de la ville de Nampo, et 6 dolmens, y compris les dolmens de Wondong du chef-lieu de l'arrondissement de Yunsan et de Daechon de l'arrondissement de Linsan de la province du Fanhe du Nord. Le vestige de production du sel est en forme de digue ronde de pierre et d'argile. On a vérifié que c'était l'installation de production du sel marin par les apatrides d'un état après la ruine de la Corée antique vers l'époque du 1er ou du 2e siècle. Les 6 dolmens sont en forme du dolmen de la commune d'Odo qui laisse voir les pierres plates dressées sur lesquelles est posé un couvercle de pierre. Les dolmens de valeur sont conservés tels quels en état primitif lors de la fouille.